chez Galaxy Pop, on fait pas pour faire, mais pour se parfaire. Blast the world, burn! On vit vraiment une époque bénie pour ceux qui aiment le brun et le bruit des bottes cirées. Par contre, pour les autres, ça commence à sentir le roussi. Ce week-end, enfin pas celui-là, celui d'avant, hein, je suis un peu en retard, on a, par exemple, pu voir des néo-nazis défiler en toute détente dans Paris. Encagoulés de la tête aux pieds sur la voie publique dans la plus parfaite illégalité. Mais ce voile-là ne semble pas inquiéter le nazillon de l'intérieur. Pas plus que les fumigènes, les symboles nazis et autres bras tendus qui ont fleuri pendant ce rassemblement de fumiers. C'est drôle, mais je croyais que l'article R645-1 fait de porter ou d'exhiber en public un insigne ou un emblème rappelant ce porter ou exhiber en public par une organisation déclarée coupable et reconnue comme un délit. C'est étonnant dès lors de constater l'immobilisme et l'inaction la plus totale des forces de l'ordre en présence. Et je parle bien de celles en service et pas de celles qui manifestaient. Pour une fois, ils ont été surprenants de passivité et de retenue. Dire que ceux qui manifestaient légitimement pour ne pas perdre leur droit à la retraite, leur droit à une sécurité sociale, voire leur droit tout court, ceux-là donc y ont laissé qui des yeux, qui une main, et pour certains la vie, sous les tirs interdits de nos vaillants 7 sur 20. Certaines mauvaises langues pourraient dire qu'on ne se tire pas dessus entre copains. C'est pratique d'avoir les mêmes tatouages pour se reconnaître. Dans le même ordre d'idées, ils sont où tous nos enfoirés de plateau télé bien à droite, bien promptes à hurler à l'antisémitisme dès que quelqu'un manifeste son soutien à un peuple qui se fait génocider sous nos yeux avec leur soutien inconditionnel. Là, on a de vrais antisémites, des vrais partisans et nostalgiques du Troisième Reich, qui paradent en plein jour avec tous les symboles, l'apparat et tout, et là, il n'y a plus personne. Brown Pivet devait avoir aquaponé, Horreur Berger mini-golf pour aveugles, Vauquier devait se remettre de son humiliation, et Retailleau et Darmanin se faisaient tresser les poils de cul. Pas un seul n'a osé critiquer ou dénoncer ce rassemblement de néo-nazis. Par contre, la moindre voix, un peu audible, qui critiquera le boucher de Tel Aviv, le colon sanguinaire, et la meute de ces aveugles va soudainement lui tomber dessus, pire que si elle avait elle-même construit les camps de concentration et provoqué la Shoah. Il me semble pourtant que les mots ont un sens, non ? Antisémite, c'est vouloir annihiler le peuple juif pour ce qu'il est, ce qu'ont fait les nazis, donc, et c'est indéniablement un crime contre l'humanité. Critiquer un régime qui massacre ses voisins, qu'il colonise d'ailleurs illégalement et sans vergogne depuis plus de 50 ans, ne s'inscrit pas vraiment dans le même registre. Quand bien même, le régime en question serait juif. Vu d'ici, l'accusation d'antisémitisme à géométrie variable, ça ressemble plus à une tentative de musellement et de détournement d'attention. Remarquez, à droite, les détournements, ils connaissent bien. Dernier truc, tant qu'on est à parler du sens des mots, c'est pas parce que certains s'auto-qualifient que c'est une vérité. Laissez-moi vous donner un exemple clair. La République Populaire Démocratique de Corée. Ce n'est ni une république, ni une démocratie. De la même manière, il ne suffit pas de se prétendre de gauche pour l'être. Exemple local, Nicolas Meyer-Rossignol. Alors, si j'entends encore cette phrase débile, « Dans national-socialisme, il y a socialisme », je serai contraint de répondre que dans Pinochet, il y a Hochet, mais que ça n'en fait pas un enfant pour autant. Je reprendrai inlassablement chaque corneau qui se croira malin en disant ça. Reste à savoir si je serai le seul.